soul, les pop valises du hip hop. Ils ont cru que le rap c'est Marseille, Paris ou New York. Dis-leur que c'est Valoris, la côte. J'ai juste le mic rasé, alias le Pashtun. J'ai juste le mic rasé, pour pas que je bafouille. Pour l'instant toi tu bafouilles. Hamdoulay, la plupart de mes gars se débrouillent. Hamdoulay, la plupart de mes gars se grouillent. Starfona, la plupart de mes gars dépouillent. C'est comme ces bâtards qui viennent, qui brouillent, qui poussent mes gars l'embrouille. Je m'en dis si pas me saoule. En direct live, Valoris, Mossoul. Les vrais savent pourquoi je débouille. Les vrais savent pourquoi je me mouille. Prépare mes douilles, pas d'histoire sale de boule. De l'étage, m'en bats les couilles. Je suis pas venu pour faire le baba cool. Papa poule, tu veux savoir qui on est? À quoi ça sert de parler? À quoi ça sert tu promets? Alors appuie sur Star et Romain. Je fais confiance qu'à mon maître, lui seul qui me permet m'a charmé. Alors frère, dis pas que tu me connais, hein? Dis pas tu me connais, j'suis juste formé à tout dégommer, à rimer, à tout donner. Et moi frère, tout vient du cœur, trahi par des imposteurs. Dis pas tu me connais, j'suis juste formé à tout dégommer, à rimer, à tout donner. Et ouais frère, tout vient du cœur, trahi par des imposteurs. Sous mon être, j'porte un mur kaki. Toi qui bouges ta tête, mais qu'est-ce t'as compris? Ma soupe, tu me check, à savoir à quel prix. Bouge, hachek, toi et ta belle Barbie. J'suis toujours à sec, entouré de mes amis. Et ouais, j'suis fait comme un clou, mais j'suis un pur battant. J'apporte en haut et toi tu mets des bâtons. Tu parles du crew, mais t'es pas convaincant. Tu parles de nous, mais t'es pas compétent. Alors qu'est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce que tu prétends? Tu crois que t'es d'aplomb, j'fais la guerre à plein temps. J'apporte la rime et toi tu viens en me testant. Bande d'enfoirés qui pose des questions. Ça veut du boom dans le caisson. J'ai pas de calibre sur le veston, j'suis pas venu comme manifestant. Et ouais, j'viens doucement, j'viens, j'pousse le nom. Et ouais, j'côtoie galère et faux plan. Vu que j'ai dépassé la barre des 20 ans, j'progresse et j'apprends. Make sure my mic is loud and my production is tight. Can't stop me now. Cats don't understand what they facing. Make sure my mic is loud and my production is tight. Can't stop me. Cats don't understand what they facing. Dis pas tu me connais, j'suis juste formé à tout dégommer, à rimer, à tout donner. Et ouais frère, tout vient du cœur, trahi par des imposteurs. Dis pas tu me connais, j'suis juste formé à tout dégommer, à rimer, à tout donner. Et ouais frère, tout vient du cœur, trahi par des imposteurs. Dis pas tu me connais, j'suis juste formé à tout dégommer, à rimer, à tout donner. Et ouais frère, tout vient du cœur, trahi par des imposteurs. Dis pas tu me connais, j'suis juste formé à tout dégommer, à rimer, à tout donner. Et ouais frère, tout vient du cœur, trahi par des imposteurs.